إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous avions évoqué dans le cours précédent que le prophète Shu'aib, alayhi salat wa salam, a exhorté son peuple et leur a demandé de respecter trois grands principes. Le respect vis-à-vis du droit des gens dans les transactions financières. 2. Le respect de l'organisation de la communauté et de ses intérêts. 3. Le respect de pouvoir adopter la guidée et la vérité librement. Ceci est appuyé par les versets coraniques suivants, où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Sourate 26, les versets 176 à 184. Allah Jalla Jalalu dit dans le sens des versets: les gens de l'Aïka traitèrent de menteurs les messagers. Lorsque Shu'aib leur dit: ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Donnez la pleine mesure et n'en faites rien perdre aux gens. Pesez avec une balance exacte. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû et ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre. Et craignez celui qui vous a créé, vous et les anciennes générations. Sur quoi son peuple répondit: قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. Sourate 7, le verset 88. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil, dirent: nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. En effet, ils voulurent expulser le prophète Shu'aib, alayhi salatu wassalam, de la ville, de peur que sa prédication ne prenne de l'ampleur et que les gens y soient sensibles. Ils en arrivèrent à ce point de vouloir l'expulser, car ils furent à court d'arguments devant la vérité. Ceux qui étaient avec Shu'aib ont été désignés comme ceux qui avaient foi en Shu'aib et non comme des croyants. Car ce peuple de mécréants ne croyait pas au message du prophète Shu'aib. De plus, ils croyaient que Shu'aib était sur leur religion auparavant. Car ils ont dit: nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Deux versets après, dans la même sourate, la sourate numéro 7, le verset 90, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dire: si vous suivez Shu'aib, vous serez assurément perdants. Allah Jalla Jalalu a qualifié ces notables de mécréants en regard de leur fermeté et de leur endurcissement dans la mécréance, comme il les qualifia d'orgueilleux auparavant, dans le verset que j'ai cité juste avant, du fait qu'ils polémiquaient avec le prophète Shu'aib alayhi salat wa salam dans le faux, n'acceptant nullement la vérité. Chaque description est venue par ce qui les caractérisait le plus, suivant la situation dans laquelle ils se trouvaient. Puis ils dirent aussi, قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. La sourate 26, le verset 185 et 186. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, ils dirent, tu es certes du nombre des ensorcelés, tu n'es qu'un homme comme nous, et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel, si tu es du nombre des véridiques. Ils l'accusèrent d'être ensorcelé, afin de le discréditer aux yeux des gens, que ce qu'il prononce n'est pas une révélation d'Allah, mais plutôt des paroles prononcées sous l'effet de la folie et de la sorcellerie. Ceci est appuyé par leurs paroles juste après, « Tu n'es qu'un homme comme nous, et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » Comme pour annuler une deuxième fois le message divin que portait ce grand prophète, alayhi salatu wassalam. Devant toutes ces allégations, devant toutes ces invectives, Shu'aib alayhi salatu wassalam leur répondait de la meilleure des façons, tout en les exhortant et leur rappelant les bienfaits d'Allah sur eux et leur devoir envers lui. Qala awalaw kunna karihin, qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allah minha wa ma yakunu lana an na'ud fiha illa an yasha Allah rabbuna. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Sourate numéro 7, les versets 88 à 89. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, il dit, vous forcerez-nous à retourner à votre religion, même si cela était sous la contrainte, même si cela nous répugnerait. Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en ait sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Ce que l'on remarque à travers la parole du prophète Shu'aib alayhi salat wa salam est qu'il parle en son nom et en ceux des croyants. Il emploie de ce fait la première personne du pluriel, car il connaissait la foi sincère de ceux qui l'avaient suivi. En effet, il dit, vous forcerez nous à retourner à votre religion, même quand cela nous répugne. Nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en ait sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins que notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple. Le prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam a parlé au nom de tout le monde, car il savait que ceux qui étaient derrière lui le suivaient par une foi sincère et authentique. Le prophète Shu'aib a dit aussi, قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Il dit, mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. Mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. Par la suite, et lorsqu'ils virent que le prophète Shu'aib était déterminé à poursuivre sur la voie sur laquelle Allah lui avait ordonné de cheminer, ils virent cette détermination et cette fermeté chez Shu'aib, alors ils voulurent le prendre au dépourvu, en le menaçant et en lui demandant un défi dont ils étaient persuadés qu'il ne pourrait le relever. Ils dirent, « فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel, si tu es du nombre des véridiques. » Ceci nous rappelle toutes les péripéties des prophètes précédents, le prophète Salih du peuple de Thamoud, le prophète Houd du peuple de Had, le prophète Lout envers son peuple, lorsque ceux-ci, sous le ton du sarcasme de la raillerie, contestèrent leurs prophètes en les défiant de leur ramener le châtiment tant attendu. Allah dit tabaraka wa ta'ala, « Fakadzabou, fa'akhadahum adhabu yawmi dhillah, innahu kana adhaba yawmin azim, inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin, wa inna rabbaka lahu al-azizu rahim. » La sourate 26, les versets 186 à 191. Allah dit tabaraka wa ta'ala, « Mais ils le traitèrent de menteur. Alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Voilà bien là un prodige. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, Allahu Akbar. » Allah dit tabaraka wa ta'ala, « فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. La sourate numéro 7, les versets 91 à 95. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shu'aib de menteur disparurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Shu'aib de menteur furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit, « Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerai-je sur des gens mécréants ? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent le pardon. Puis, nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent « La détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. » Eh bien, nous les avons saisis soudainement sans qu'ils ne s'en rendent compte. Nous reviendrons en détail sur le châtiment qui est tombé sur le peuple de Shu'aib la semaine prochaine, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa nas'alullaha jalla wa'ala, an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma aghfir lana dhunubana, وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.